Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, ô Père. L'auteur de ma vie, c'est toi. L'artisan de ma destinée, les garants de mon futur. Yahweh makasi solo yoleki namakasi oleki namakasi unyako kabu oleki namakasi papa yoleki namakasi Yahweh bolingo solo yozali bolingo baozali bolingo kozozali bolingo solo yozali bolingo Okeli na nyonso ezali yo. Alléluia. Oya kokani na yo nani papa. Alléluia.